Vous écoutez Futur Simple sur CKRL au 89.1 et nous allons faire donc un tour au musée de la civilisation dans le cadre de l'événement Décoder le monde. Le musée accueille en ses murs demain et vendredi et samedi toute une palette d'activités à saveur scientifique. Et pour nous présenter cet événement, j'accueille Pierre-Luc Collin qui est chargé de projet en médiation culturelle. Merci Pierre-Luc, au musée de la civilisation. Donc bonjour Pierre-Luc. Mais bonjour Valérie, merci de l'invitation. Ça me fait plaisir de vous recevoir ici. Alors, donc, présentez-nous cet événement. Donc, Décoder le monde est organisé par le Musée de la Civilisation. Par qui d'autre? Dans quel but? C'est quand exactement? Un petit survol rapide. Oui, tout à fait. En fait, ça part d'une relativement vieille complicité avec l'Université Laval. On organise depuis, je dirais, 2011, un événement scientifique, culturel, social, où l'idée, c'est un peu de sortir l'université de ses murs, puis de créer des contacts avec les citoyens de la ville. Donc, depuis, on a organisé 3 éditions d'un événement qui s'est appelé La Nuit de la Liberté et les Rencontres Sciences et Sociétés de Québec. Et cette année, on revient avec une nouvelle formule. Il y a des nouveaux partenaires qui se sont joints à l'organisation de l'événement. Donc, à la base, avec l'Université Laval, on était beaucoup plus dans le secteur universitaire de la Ville de Québec, de l'Université Laval. Mais maintenant, il y a les fonds de recherche du Québec, le FRQ, qui s'est joint comme organisateur et subventionnaire de l'événement, ainsi que le Centre de démonstration en sciences du Cégep Garneau. Donc, on a vraiment une belle équipe là, qui ratisse assez large, donc autant dans le milieu de la recherche de Québec, mais du Québec en général. Puis autant aussi du côté des activités, disons, un peu plus de vulgarisation scientifique, dont l'expertise du Centre de démonstration en sciences physiques là, est bien là, est bien présente. Puis ils vont nous en faire profiter au cours de l'événement. Une bonne chose, oui. Alors cette année, il y a un thème aussi, âge et passage. Oui. Donc ça veut dire qu'est-ce qu'on a voulu voir à travers ça? Mais en fait, l'idée derrière l'événement Décoder le monde, c'est une grande rencontre. Hein? C'est un peu le mot-clé. On souhaite vraiment là, créer des rencontres, oui, entre les chercheurs ensemble, les chercheurs de différentes disciplines, autant en arts, en sciences sociales, en sciences nature, en sciences de la santé, tout ça. Des rencontres aussi entre les chercheurs et les citoyens, entre les différentes disciplines. Donc, derrière Décoder le monde, il y a cette volonté-là de rencontre, mais aussi une volonté d'aborder, disons, des sujets assez complexes qui sortent rarement des milieux de la recherche, puis des amener vers le grand public. Donc, il y a vraiment cette idée-là de traiter d'un thème en particulier, puis de le décliner du maximum de façon possible. Donc, cette année, il y a un thème qui a été sélectionné. C'est le premier thème. Il y en aura. C'est un événement qui est là pour durer. Le thème de cette année, c'est âge et passage. Donc, on va vraiment, là, la programmation est vraiment axée sur il y a une notion de temps, à fait. Donc, à la base, il y a vraiment les notions de, bon, le parcours humain, là, de la naissance à la mort et au-delà dans l'imaginaire, la mort et tout ça. Mais par la bande aussi, on peut aborder les questions de temps, puis aussi tout ce qui a trait, par ailleurs, aux sciences de la santé, qui sont directement liées, en fait, à l'évolution du corps humain. Passage, on pense à des passages clés de l'adolescence, bon, peut-être la retraite. Oui, bon, c'est le passage de clé de la vie, un petit peu. C'est ça, les passages de la vie, là, les grands rites de passage, par exemple. Il y aura des conférences à ce sujet-là. Les rites de passage, notamment avec Martine Roberge, qui s'est intéressée à l'actualisation des anciens rites de passage. Aujourd'hui, le mariage, la mort, la naissance, le baptême, les showers, tout ça. Quelle place ça prend aujourd'hui là, dans la société. Puis tout ça, donc toutes ces activités, bon, c'est demain, ça commence demain à quelle heure? Ça commence dès 10h. 10h jusqu'à samedi? Jusqu'à samedi 16h. D'accord. En fait, la programmation, qu'elle est divisée en 3 grands moments forts. Donc demain, de 10h jusqu'à 17h, là, c'est vraiment les chercheurs qui prennent d'assaut le musée. Il y aura une succession là, dans 3 espaces différents. Une succession de tables rondes, de conférences sur des thèmes aussi variés que l'histoire de la famille, la vieillesse, l'actualité des soins de santé, les différents rites de passage, l'adolescence, la vieillesse, la jeunesse, l'enfance. Donc tout ça sera abordé au cours de conférences et de tables rondes en journée de 10 à 17 heures. Ça se poursuit par ailleurs en début de soirée avec des, je dirais, un événement qui se voudra à ce moment-là un peu plus festif. Il y aura des interventions d'artistes, par exemple. Mm-hmm. Je pense qu'il y a un groupe de musique qui sera là en soirée à 23h, qui s'appelle un jeune groupe de musique qui s'appelle Juste Robert. Il y aura des performances aussi d'animation en direct, BD en direct avec mm-hmm. Notamment Francis Dernay, Bach. Un spectacle très intéressant qui sera présenté par ailleurs. Puis on joue plus sur la notion de temps. Donc, c'est une transposition en théâtre d'objets du classique de Stephen Hawking, Une brève histoire ah, du oui. temps. Ah oui? Ah, c'est intéressant. Donc, oui, ça, donc avec tout l'esprit et l'humour qui est caractéristique du théâtre d'objets. Mm-hmm. Donc, il y aura ça par ailleurs, des contes et tout ça. Mais les conférences se poursuivent aussi, mm-hmm. Avec notamment des sujets, j'allais dire, pas plus légers, mais disons qui font peut-être référence plus à l'imaginaire. Par exemple, il y aura une conférence de Maxime Coulombe sur l'engouement de la figure du zombie aujourd'hui, mm-hmm. qui a un lien, mm-hmm. donc qui fait un lien nécessairement avec la mort, l'imaginaire de la mort. Quelque chose aussi sur les jeunes adultes qui vivent de façon un peu nomade, qui décident de partir sur la route à très long terme. Mm-hmm. Il y a des aspects sociaux à travers tout ça. Des aspects sociaux, tout à fait. L'âge, l'effet de l'âge dans le sport. Ouais. Donc, il y aura des conférences de genre là aussi. Toutes ces conférences-là, est-ce que c'est des conférences pointues qui s'adressent aux chercheurs ou est-ce que c'est à niveau vulgarisé pour monsieur et madame tout le monde? C'est-à-dire que lorsqu'on a fait l'appel à proposition, qui a été, ça nous a surpris parce que on s'attendait que le thème soit quand même porteur. On a eu beaucoup de propositions, mais dans l'appel à projet, effectivement, l'idée c'était effectivement que les chercheurs puissent offrir du contenu vulgarisé. Donc c'est mm-hmm. la demande qui a été faite. Ça intéressera nécessairement des chercheurs, des étudiants, mais on veut vraiment accrocher le mm-hmm. grand public adulte curieux, mm-hmm. intéressé. Donc avec bien entendu, un bon niveau, c'est-à-dire les conférences auront un bon niveau, là, mais on souhaite que ce soit effectivement mm-hmm. vulgarisé. Avec une possibilité d'intervention sous forme de table ronde ou de questions? Oui, tout à fait. Chaque mm-hmm. conférence, chaque intervention, conférence mm-hmm. ou table ronde sera suivie mm-hmm. d'une période d'échange mm-hmm. avec le public. Puis après, vient le samedi, et oui. là, on s'adresse plus, il y a des activités pour les familles, on oui. s'adresse à un public plus jeune éventuellement. Tout à fait. Le samedi, c'est le troisième moment fort de la programmation, qui sera à ce moment-là une programmation beaucoup plus familiale, puis qui s'ouvre, disons, je dirais, à l'ensemble des sciences. On maintient le thème âge et passage. Il y aura notamment, par exemple, un spectacle de théâtre qui s'appelle Argus et le croque-minute. Des propositions qui font nécessairement un lien avec le thème qui est celui des âges et de passage de la vie. Mais bon, on élargit un petit peu à l'ensemble des sciences. C'est sûr que le moment vraiment qui risque d'être le plus populaire au cours de cette journée-là, c'est la venue de Stéphane Bellavance et Martin Carly mm-hmm. de la populaire émission Génial. Génial. On risque... j'ai bien l'impression que... j'imagine, oui, on le souhaite, puis j'ai l'impression que ça va arriver. Mais après ça, il y a d'autres activités qui sont offertes, notamment le centre de démonstration en sciences physiques. Qu'est-ce qu'ils font? Reconnus. Donc, ils font une conférence démonstration d'une heure avec beaucoup de... Des appareillages, oui, toujours tout à fait, toutes sortes de choses, de phénomènes physiques un peu bizarres. Tout à fait, là, des dizaines, sinon des vingtaines de phénomènes là, qui seront un peu surprenants, explorés. Ouais, oui, très surprenants, avec beaucoup de... Tout ça, je crois, présenté avec beaucoup d'énergie, beaucoup d'effets visuels. Donc, eux, ils présentent une conférence démonstration qui s'appelle « Les méandres de l'électricité mm-hmm. ». Ce sera présenté en après-midi à 13h et 15h. Mais on est aussi, par exemple... Ça s'adresse pour quel âge, par disons, exemple? Disons, ça, c'est, on est plus du côté du 10 ans et plus, d'accord. environ. Même chose du côté de... Il y a Jean-Daniel Doucette, aussi, de l'École des protéines, qui présentera une conférence sur justement sur le thème des protéines et l'effet sur le cerveau. Puis ça aussi, je crois qu'il y aura des démonstrations assez spectaculaires et amusantes qui vont mm-hmm. être faites en lien avec ça. On a fait appel aussi à Attraction Chimique, qui vont venir présenter une conférence. Ils ont toujours des démonstrations assez explosives. Oui, tout à fait. Puis là, on fait un peu... le lien peut-être un peu tiré par les cheveux, mais on fait un lien aussi avec les âges et passages de la vie dans la mesure où ils vont présenter leur atelier Erreur Watson, qui est un peu sur les techniques de médecine judiciaire ou mm-hmm. d'enquête mm-hmm. policière, par exemple. Là, ça sera un atelier en continu sur les empreintes digitales. Donc, tout le lien entre la chimie et la médecine judiciaire ou les enquêtes, les enquêtes judiciaires. Est-ce que toutes les activités se suivent ou est-ce qu'elles sont en parallèle et qu'il faut judicieusement choisir son programme? C'est-à-dire qu'à certains moments, surtout dans la journée du vendredi, le programme, je dirais, volontairement dense et riche. Donc, il faudra, oui, effectivement, malheureusement, on ne pourra pas tout voir, mais ça fait partie un peu de l'effervescence de cet événement-là. Offrir un vaste choix d'activités. Oui, un vaste choix d'activités pour, justement, l'idée, c'est vraiment de décliner le plus le thème de, du plus de façon possible. Puis malheureusement, en une journée, c'était difficile de... Bon, on ne sera pas exhaustif, mais c'est assez riche, je pense. Et est-ce que, donc, pour les activités phares avec Stéphane Bellavance, par exemple, est-ce qu'il faut réserver ou est-ce qu'on arrive comme ça et puis ça va aller? Non, ça va comme ça, mais... Par exemple, pour Génial, le musée ouvre à 10 heures, l'activité est présentée à 11 heures, donc c'est peut-être bon d'arriver un peu plus tôt. Ouais. Même chose pour, parce que je dirais que notre activité phare pour le samedi soir, c'est la venue de Serge Bouchard qui va présenter, ben oui, aussi. Tout à fait, qui va présenter une conférence sur le thème âge et passage. Mm-hmm. Donc, il va s'entretenir avec dans le hall du musée. Avec les visiteurs sur le thème général des âges et des passages de la vie. Ça sera aussi suivi d'une période d'échange. Mm-hmm. Donc, on risque d'attirer pas mal de monde avec Serge Bouchard qui est toujours très populaire, qu'on a reçu à quelques occasions au musée, puis c'était toujours un franc succès. Donc, on s'imagine qu'il y aura encore beaucoup de monde au rendez-vous. Et qu'est-ce qu'on paye pour avoir droit à tout ça? C'est gratuit. On paye rien? On paye rien. Bon. Puis même le vendredi soir, les expositions, les salles d'exposition sont offertes gratuitement, de 17h à 23h. Donc, tout ça est gratuit. En journée, toutefois, si on veut visiter les expositions, là, il faut payer le droit d'entrée. Ouais. Mais sinon, toutes les activités, les conférences, les ateliers, les tables rondes, dans les auditoriums, c'est offert gratuitement. Et j'imagine qu'on trouve le programme, un programme détaillé sur le site du musée? Oui, tout à fait. www.mcq.org. La programmation est là avec toutes les conférences, les tables rondes, avec des descriptions des activités, des résumés. Donc, l'information se trouve là à Déco Delmont. Ben, ça vaut vraiment le coup d'aller regarder le programme parce que j'imagine que là, vous nous avez donné juste un petit échantillon de tout ce qu'il y a à voir. Oui, oui, tout à fait. C'est assez dense. Oui, donc ça vaut vraiment le coup d'aller regarder le programme. Donc, c'est sur le site Internet du Musée de la Civilisation et vous trouverez sans doute une activité à votre goût. Merci beaucoup, Pierre-Luc. Merci beaucoup, Valérie. Donc, je rappelle que Pierre-Luc est chargé de projets en médiation culturelle et donc au Musée de la Civilisation. Et quant à nous, on va passer en publicité sur CKRL au 89.1 et au retour, on va non pas au musée, mais au Colisée.